Allez, on y va. 17h passées de 7 minutes sur Inter. Si tu écoutes, j'annule tout. Charline Vanhoenacker, vous êtes là. Bonjour. Oui, merci Camille. Dites, allez, on y va avec plus d'entrain encore. Allez, on y va. Ah, j'ai eu peur. Parce que vous dites, allez, c'est l'heure, il faut se farcir l'équipe, là, bon. Oh, vous m'avez mal compris. En marche. Bah, alors, c'est évidemment Clara Dupont-Monod nous dit en marche. Atteinte de macronite. Merci Camille pour ces informations. Mais de rien. Prochain point, presque 17h17 pour bien compléter sûr, ce journal. Prêt, hein, c'est autre chose. Ouais, bien sûr. Allez, voici comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis! Salut Alex! Elle est où Charlie? Elle est partie chercher Guillaume. Ah, ils font du covoiturage? Ça, c'est les écolos, ça. Non, c'est... elle est partie le chercher au commissariat. Non! Si! Ah, il était temps qu'on l'arrête! Mais... ce type agresse des gens dans la rue à coups de questions impertinentes! Mais non, ça s'appelle force de l'ordre! Ah, non, Guillaume, c'est la faiblesse du désordre et voilà ce qui arrive! Ouais, bah j'espère qu'ils l'ont pas fait mal. Hein. Un petit coup de bottin derrière la nuque! Salut les amis! Ah. Salut Charline! Alors? Il est en garde à vue, il est en train d'emmerder Claude Guéant, salut! Non, il arrive! J'ai été arrêté, les amis, j'ai été arrêté! Oui, bah ça va! C'est pas bien, tu nous as fait peur quand même. Mais non, mais j'avais rien fait en plus, moi. C'était où? J'ai été à la fan zone là pour interroger les Anglais. Fouille. Mais ouais, bah alors tout se passait bien. Moi, je me suis dit, je vais leur offrir des bières. Normal. Ah ouais, normal. Ça c'est normal quoi. Je me suis dit, avec des bières, les interviews elles seront plus pertinentes. Oui, normal. Si, c'est normal, c'est normal. Et puis moi, je me suis dit, avec un petit coup dans le nez, mon anglais il sera plus compréhensible. Ah, oui, normal. C'est normal, c'est normal. Et bah, vous savez quoi? Non. À la fin du match, ils étaient sous. Non. Si. Et en plus, comme ils avaient perdu, voilà, on s'est énervé, on a chanté, on a crié. Mais on est des malades, c'est comme ça. Oui, alors les CRS vous ont embarqué comme des hooligans imbibés. C'est ça, mais oui. Non. Mais moi, si j'avais su, j'aurais pas payé la caution. Hein. Quoi? Il était enfermé, nourri, logé, et nous, on a payé pour le récupérer. C'est ça la gauche, tu vois. La gauche. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui arrose l'actualité. Et voici les trois informations qui vont s'épanouir jusqu'à 18h. Le Brexit nous rappelle que si on ne réagit pas, la politique reste un truc de vieux pour les vieux. J'ai 22 ans, et parfois j'ai l'impression de sortir avec Alain Juppé. Il est très bien Alain Juppé. Le premier grand hôtel américain vient d'être inauguré à Cuba. Alors comment réagit-on à la Havane? Tu sais ce que c'est le capitalisme? C'est enculer les gens. Les grandes villes européennes soignent l'architecture de leurs gares. La gare, lieu ouvert et de passage, une métaphore de la démocratie, elle relie les peuples, parfois de façon très spectaculaire. Vous arrivez à la gare du Nord, c'est l'Afrique, c'est plus la France. Et moi, je suis accompagnée de celui qui vit dans un train entre Paris et Bruxelles, c'est Alex Vizorek. On n'égalera jamais Nadine Morano. Bonjour, Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui autour de la table, l'équipe type et un petit cadeau en plus, 17h20. Cet été, il va sans doute aller parler aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, car il n'y a que la nature qui le comprend. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler de la plus belle femme du monde. Elle est de la plus spirituelle qui soit aussi. Elle s'appelle Anushka Shankar. Elle joue du sitar et c'était la fille de Ravi Shankar. 17h30, on vient d'entendre la conf de rédac. Et sachez qu'elle n'était pas entièrement fausse. On a voulu arrêter Guillaume Meurice et c'était à cause de votre accent anglais, je me suis fait dire. Entre autres. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Mais oui, parce que je suis allé donc à la fan zone pour vous parler du Brexit. Je suis allé interroger des Anglais. On a parlé économie. Bonjour, ça va? I would like to introduce myself as Harry Kane. Voilà, on parlera de l'économiste Harry Kane, hein, de célèbre théorie de la main invisible de Maradona. Du marché. 17h40, je ne sais pas comment je vais arriver à me passer d'elle pendant 2 mois. Et le plus difficile, c'est qu'elle va très bien le vivre. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. Comment allez-vous? De quoi on va parler? Bien. On va parler d'un roman policier, le roman policier de l'été, fait de forêt et de sorcellerie. Très bien. Et enfin, 17h55, il nous fallait un éditorialiste de droite à faire pallier BFM TV. Il viendra nous dire ce qu'il faut penser. Pablo Mira, le cofondateur du Gorafi, sera des nôtres. De quoi allez-vous nous parler, Pablo? Eh bien, Alex, je vais vous parler de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce que, Alex, comme l'a dit un jour un grand homme, les aéroports sont comme des fenêtres ouvertes sur l'âme du monde. Et ce grand homme, Alex, vous l'avez deviné, c'est moi. À tout à l'heure. Allez, il est temps que je me tourne vers celle qui a tout annulé. Pour présider cette émission, vous êtes née sous Fidel Castro. Vous co-dirigez la revue Cine Cubano à partir de 90, l'année où Nelson Mandela est libéré. Vous entamez votre exil en France et publiez Néant Quotidien en 95 et inaugurez la bibliothèque François Mitterrand. Et vous publiez La Femme qui pleure en 2015 quand Cuba et les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Soraya Valdés. Mais oui ! Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bienvenue chez nous, Zoé Valdés. Merci beaucoup. Alors, vous êtes la présidente d'honneur du Festival de la Correspondance de Grignan, qui va se tenir du 5 au 10 juillet, oui. Sur un thème qui est l'exil. Oui. L'exil est un thème que vous avez, que vous connaissez, parce que vous le vivez même au quotidien. Oui. Vous ne vous êtes toujours pas excusée, d'ailleurs, pas à Cuba. De m'excuser. C'est ça le problème. Mais voilà, mais parce que il n'est pas question de s'excuser à Cuba, vous êtes toujours exilé. J'ai rien fait, moi. Alors l'exil, c'est l'un des thèmes les plus puissants qui existent dans la correspondance, avec peut-être l'amour, les lettres d'adieu. L'exil et la correspondance, ça va de pair et c'est un moteur qui est parmi les plus puissants du genre littéraire. Oui, bien sûr. Moi, je garde avec beaucoup d'amour une correspondance que j'ai maintenue avec des gens de Cuba et avec ma famille et avec des écrivains de Cuba pendant ces 20 ans d'exil. Mmh. Et puis, il y a aussi une correspondance historique, par exemple, de José Martí, qui est le plus grand poète cubain et le plus grand révolutionnaire cubain. Ce n'est pas Fidel Castro, c'est José Martí. Ah, et qui a vécu toute sa vie en exil. Mmh. C'est celui oui, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez l'indépendance. Si, vous connaissez José Martí. Si. Vous connaissez quel échec? Pardon, qui n'était pas cubain, qui était argentin. C'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, l'exil, aujourd'hui, il se vit aussi de façon numérique. Peut-être que vous-même, vous le vivez aussi en partie comme ça. Et beaucoup des exilés le vivent de façon, par Internet peut-être. Oui, par Internet, avec les gens qui sont en exilés aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Mais il y a des Cubains partout, donc... Mais avec l'île, c'est très difficile toujours parce qu'il n'y a pas c'est très difficile de trouver des gens qui ont des connexions Internet. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Et à l'heure justement de la grande connexion Internet mondialisée, est-ce que du coup il n'y a pas un effet presque contraire qui se passe, qui est que le papier retrouve de sa valeur, que la lettre physique telle qu'on l'a connue avant Internet reprenne de la valeur? Oui, je pense que ça revient à nouveau et je pense que c'est important parce qu'il y a un langage et poétique dans la correspondance, dans la lettre, qu'on était en train de le perdre. Et là, on les retrouve à nouveau et c'est important de continuer à s'écrire sous les papiers. Vous parliez du blocage d'Internet. Moi, j'étais à Cuba il y a 10 ans. Il y a un Cubain qui est venu me dire, écoutez, on ne se connaît pas, mais est-ce que vous pourriez juste prendre cette carte postale, la ramener chez vous en Europe et la poster, car je voudrais écrire à quelqu'un en Europe. Donc même envoyer une carte postale, c'est surveillé encore là-bas. Oui, et les lettres aussi sont... Il y a un service de la police cubaine qui s'occupe que de ça et ça dure depuis presque 60 ans. C'est la police qui s'occupe de ça, donc c'est un travail pour eux. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec le sujet sur l'ouverture d'un grand hôtel américain qui est ouvert à La Havane et justement le fait que Hollande soit parti à Cuba, etc. On va avoir l'occasion d'en reparler. Je voudrais revenir à l'exil qui est donc le thème du Festival de la Correspondance de Grignan où vous serez Zoé Valdés. Il y aura d'ailleurs une rencontre littéraire avec vous le jeudi 7 juillet à 16h à Grignan sur le thème de écrire l'exil. L'exil, vous l'écrivez en quelle langue? Finalement, quelle est l'écriture de l'exil pour vous? C'est le français ou c'est l'espagnol? Les français, c'est une espèce de refuge pour moi. Je ne le parle pas toujours parfaitement, je n'arrive pas à avoir un style en français, je n'arrive pas à écrire en français parce que déjà c'est difficile de trouver un style dans sa propre langue. Mm-hmm. Donc déjà dans une autre langue et surtout les français, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Moi, j'écris toujours en espagnol et ça me permet évidemment de retourner toujours, tous les jours à mon pays et aussi de voyager dans tous les pays et dans tous les endroits où on parle l'espagnol. Et vous pensez en français ou en espagnol? J'ai commencé à rêver en français. C'est très étrange parce que même, par exemple, ma mère, elle est venue en France, elle est décédée en France. Et parfois, ma mère, qui n'a jamais parlé en français, mais qui s'entendait très, très bien avec le fromager, les gens de la rue, parce qu'elle parlait en espagnol. Et les gens qui, pendant des années, ne me répondaient pas en espagnol, ils répondaient à elle en espagnol, je ne sais pas comment elle faisait. Et elle me parle maintenant en français, elle me dit des choses en français, mais dans les rêves. Donc je ne comprends pas, mais ça doit être quelque chose de c'est un voyage étrange, oui. Zoé Valdez est avec nous jusqu'à 18h. Elle sera donc au Festival de la Correspondance de Grignan. Vous serez présidente d'honneur. Ça aura lieu du 5 au 10 juillet sur le thème de l'exil. Et donc, rencontre littéraire avec vous. Ce sera le jeudi 7 juillet à 16h. Allez, on est sur France Inter et on se retrouve après la musique. La musique. I'm a new soul. I came to this strange world. Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. De musique, il en sera question tout à l'heure avec André Manoukian, bien sûr. Zoé Valdez est avec nous, elle sera présidente d'honneur du Festival de la Correspondance de Grignan qui se tient à partir du 5 juillet à, devinez où ? À Grignan. Et autour de la table, Alex. Oui, et Clara Dupont-Monod qui ne publiera jamais les correspondances que je lui envoie, malheureusement, et Guillaume Meurice. Et tout à l'heure, Pablo Mira viendra débattre avec vous. Allez, l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Primaire à droite, Bernadette Chirac se dit prête à travailler pour Nicolas Sarkozy. Oui, on savait que Jacques Chirac souffrait de la maladie d'Alzheimer. On apprend que donc Bernadette est également atteinte. Décès de Bud Spencer, Télérama titre le Picasso de la Torgnole. Oui, quand Vincent Lagaffe va y passer, ils vont titrer le Mozart du lavabo. Et il y aura des brèves. Oui, je suis le Chateaubriand de la brève. Et on commence par ce rebondissement dans l'affaire Tapie, l'annulation de l'arbitrage validé. L'homme d'affaires devra rembourser 400 millions d'euros. Merci Alex, il est temps maintenant de vraiment démarrer avec l'information. Oui, pardon. Voilà. Primaire à droite, Bernadette Chirac se déclare prête à travailler pour Nicolas Sarkozy. Oui, elle aurait déjà commencé à récolter des pièces jaunes pour rembourser ses futurs frais de campagne. Sans transition, Carla Bruni-Sarkozy a déclaré dans une interview à Elle, « Je ne sais pas faire une division ou une simple multiplication. » Ah, une deuxième recrue pour les comptes de campagne. Dans cette même interview, Carla Bruni-Sarkozy déclare également ce que j'aime chez un homme. C'est la grandeur d'âme. Non. Bah non, je déconne. Allez. On reste chez les Républicains avec cette déclaration de François Baroin. Il estime que François Hollande donne l'impression que seule la Corée du Nord et la France étaient les derniers pays marxistes de notre situation internationale. Et encore en Corée du Nord, ils n'ont pas l'état d'urgence. Sans doute international. Lors de sa première apparition publique depuis la décision des Anglais de sortir de l'Europe, la reine Elisabeth II a déclaré « Je suis toujours en vie ». Oui, elle fait bien de le préciser parce que c'est pas évident de s'en rendre compte sur les images. Euro de football. Oui, c'est à vous. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que le football, c'est mon truc, tout le monde le sait. En quart de finale, la France va donc affronter l'Islande, oui, qui est le pays qui rassemble le plus de supporters dans les tribunes, proportionnellement à la population nationale. Oui, donc si vous êtes cambrioleur à Reykjavik, statistiquement, dimanche soir à 21h, c'est le moment d'y aller. Et puis ce beau geste, oui, après son doublé, Antoine Griezmann a offert le ballon de France-Irlande au fils du couple de policiers assassinés à Magnanville. Oui, et ça fait écho au très beau geste aussi d'Olivier Giroud, qui lui a directement offert plusieurs ballons pendant le match à des gosses en tirant dans les tribunes. Fait divers à présent, oui, à Nîmes. Depuis sa cellule, un détenu harcèle son ex-petite amie par téléphone. Ah, Denis Baupin est en garde à vue. Non, c'est pas lui. Culture, on a appris lundi le décès, oui, de la star du western spaghetti, Bud Spencer, mm-hmm, célèbre pour les baffes et les coups de poing qu'il distribuait dans ses films. Oui, alors attention, durant les prochaines manifestations, il se peut que des CRS essaient de rendre hommage à Bud Spencer. Soyez vigilants. Télévision. Oui, BFM TV était au top hier de l'info. On voyait une très très belle image sur l'écran de Patrick Balkany et derrière, la journaliste faisait ce commentaire. Vous avez peut-être vu aujourd'hui ces images très choquantes tournées dans des abattoirs. On y voit des animaux souffrir avant d'être tués. C'est la boulette, ça arrive au meilleur. Paris-Brest. Oui, pas de chance. Manif à Rennes, il met le feu à un drapeau français et se brûle la main. Ah, parce que le type est juste un peu con. Oui, je me mets ma main au feu. Nous sommes sur France Inter en compagnie de Zoé Valdez et on va aborder le premier sujet avec vous. Les jeunes Anglais ont voté pour rester en Europe. Les plus âgés ont voté la sortie de l'Europe. Donc le Brexit nous a rappelé que la politique est une histoire de vieux, par les vieux, pour les vieux. Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui ne regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul. Un extrait de Pulp Fiction. Alors c'est un article paru dans Slate qui titre « La politique est une histoire de vieux, faite par les vieux, pour les vieux, ceux qui la font, ceux qui s'y intéressent, ceux qui vont voter ». Pourtant, en vous recevant Zoé Valdez, on se dit que eu égard à Cuba, peut-être tout est relatif. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'en France, la politique, c'est une affaire de vieux, pour les vieux, par les vieux ? Non, vous avez raison, il faut penser aussi à d'autres endroits du monde. Et par exemple, dans mon pays, évidemment, vous savez que cet été, Castro Ier va avoir 90 ans, et ça s'est fait déjà depuis un bon moment. Donc c'est très différent, c'est très différent. Et ceci dit, il faut savoir aussi que Castro avait pris le pouvoir quand il avait 33 ans, donc il était jeune. En 59, c'est l'année, oui, de votre naissance finalement, oui, vous êtes né sous Castro, oui, il est toujours là. J'ai connu que ça. Enfin, il y a Castro 2, et justement derrière Castro 2... 86 ans son frère. Ce qui se profile, c'est les enfants aussi de Castro, et même les enfants du Duce. Il faut attendre qu'ils soient vieux, parce que si ils ne peuvent pas prendre le pouvoir comme son oncle, son père, sa fille, il faut attendre qu'elle soit un peu vieille. Donc votre regard est différent. Les Français se plaignent en ce moment aussi qu'il est difficile de renouveler la classe politique, que ce sont souvent les vieux qui ont le pouvoir, qu'on fait assez peu confiance aux jeunes. Est-ce que vous faites ce constat-là aussi, ou bien vous vous dites que finalement les Français sont pas si mal lotis ? Non, je crois qu'il y a sérieusement, il y a une façon de penser, une manière de penser qui qui a vieilli et que je pense qu'il faut écouter plutôt les autres, plutôt les gens qui ont une nouvelle façon de penser et de d'analyser les choses et de comprendre la vie d'aujourd'hui. C'est différent, c'est pas une question d'âge, c'est une question de pensée, de pensamiento, comme on dit en espagnol, et aussi de réflexion. Souvent, la politique est alliée aussi à l'expérience. On a tendance à faire confiance à celui qui a déjà de la bouteille. Pourquoi ne pas faire aussi confiance aux jeunes, aux nouvelles idées, aux idéaux? Est-ce que la politique et l'expérience, ça doit absolument aller de pair, vous pensez? Oui, non, je crois qu'il faut avoir une certaine expérience, évidemment, mais je pense que de plus en plus, les jeunes commencent plus jeunes que les autres qui ont commencé avant. Et je pense qu'ils sont déjà une expérience de d'éducation, pour les choses qu'ils ont lues, qu'ils sont compris dans le moment qu'ils ont étudié et tout ça. Et c'est important de les écouter. Mais après, c'est vrai que l'expérience de travail, il faut la donner aussi. S'ils n'ont pas l'expérience de travail quand ils sont jeunes, avant, on commençait plutôt à travailler qu'aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un problème. C'est vrai qu'un mec comme Bouteflika, on voit l'expérience. Et puis, il y a des politiciens en France qui ont 70 ans et qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, on voit l'expérience aussi. Et enfin, une dernière question, aussi ouverte à la table, évidemment. Si on abaisse l'âge de la majorité, tiens, par exemple, aux élections locales, quand c'est le cas en Autriche, c'est le cas au Royaume-Uni pour les élections locales. Peut-être que si pour le référendum, les jeunes de 16 ans avaient pu voter aussi, la donne aurait été un peu différente. 16 ans, c'est un peu trop tôt pour voter, vous pensez ? Je pense que c'est bien. C'est un âge où on commence déjà à avoir une vie. Moi, j'ai commencé très très jeune à vivre. J'ai commencé quand j'avais 12 ans, donc je pense qu'à analyser les choses et à comprendre les choses. Dès qu'on est capable de réflexion. Oui, il faudrait qu'alors un type de 16 ans puisse rentrer au Parlement. Parce qu'il faudrait que le mec puisse voter pour quelqu'un qui lui ressemble. Moi, j'ai lu Don Quichotte quand j'avais 12 ans. Je l'ai relu après. Voilà, ça y est, vous avez Clara Dupont-Mono en pamoison devant vous. C'est le seul livre qu'on lisait à la maison parce qu'il n'y avait pas d'autres livres. Il y avait que Don Quichotte, c'était un livre avec les dessins, les illustrations de Gustave Doré. Oui, bien sûr. C'était une vieille édition et ma mère le lisait tout le temps, elle aimait beaucoup ça. Elle cuisinait, elle lisait ce livre-là, elle disait c'est le meilleur livre, le seul livre qu'il faut lire au monde. Ce qui rappelle aussi que pouvoir choisir ses lectures, c'est aussi ça une liberté fondamentale. Sans devoir les cacher dans des couvertures de lecture officielles. André Manoukian, revenons un petit peu à la musique. Allez, moi je vous emmène de l'autre côté du monde. De l'autre côté de Cuba. Oh, qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi cet instrument? C'est une sonnerie. Mais oui, c'est un sitar. Et c'est quoi le sitar? C'est une grosse calebasse avec un grand manche qui a des cordes sympathiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les cordes sympathiques, ce sont celles qu'on ne joue pas, qui sont accordées selon un tempérament précis et qui vont vibrer en sympathie avec celles qu'on va jouer. C'est un petit peu comme ce qui se passe autour de cette table, Charline, où chacun à son tour est soliste et il fait vibrer en sympathie les autres. Hein, ça dépend qui, quoi. Avant de faire vibrer la France, voire le monde, puisque nous sommes écoutés tout autour de la planète, jusqu'à Tahiti. Oui, Guillaume, Alex, nous faisons vibrer les Tahitiennes en sympathie. Mais si, faut pas se voiler la face. Vous, Charline et Clara, vous faites vibrer les guerriers maoris qui dansent en sympathie sur vos voix tout en affinant leur stratégie pour vous conquérir. Il se passe tout ça quand on est en train de parler derrière ce micro. Donc, revenons. Ces cordes sympathiques fournissent aux joueurs de sitar un accord permanent. Un accompagnement harmonique constant sur lequel il va bâtir son récit, ou plutôt sa profession de foi. Car c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on choisit cet instrument, le sitar. Le sitar grâce auquel Siddhartha a eu la révélation de son chemin, qu'il a appelé la voie du milieu. Rien à voir avec Bayrou. En effet, alors que ce riche prince avide de sagesse essayait la voie de l'ascétisme et qu'il jeûnait couvert de cendres au pied d'un arbre, quelques pas plus loin, il entend un maître de sitar donner une leçon d'accordage à son apprenti. Le maître lui dit, si tu tends trop la corde, elle se casse. Si tu ne la tends pas assez, elle ne sonne pas. Mais bon sang, c'est bien sûr, se dit François le Bouddha, la vérité est au milieu. Et lui qui avait connu les excès de la richesse et les excès du jeûne, se dit que finalement, le pouvoir est au centre. L'instrument, vous l'avez compris, est un messager des dieux. Il permet à la fois de communiquer avec eux et de recevoir leurs instructions. C'est pourquoi la musique indienne est codée. On ne dit pas la même chose le matin et le soir. C'est une affaire de raga. En sanskrit, raga signifie attirance, couleur, passion. Oui, la musique est affaire d'attirance. Les notes entre elles jouent de ce ressort. Certaines s'attirent, d'autres se repoussent et l'alternance de ces mouvements subtils provoque un état émotionnel proche de l'orgasme. Un raga, c'est un agencement de notes qui signifie beaucoup, au-delà de notre pauvre dualité occidentale majeure-mineure, qui exprime en gros la joie et la tristesse. L'infinité des variations mélodiques et rythmiques des ragas indiens exprime leur raffinement tout autant que la subtilité du Kama Sutra. Tout d'abord, il faut exposer le raga qu'on a choisi. Hein, vous avez choisi un ensemble de notes. D'ailleurs, si vous me permettez, André, on dit raga lovely. J'ai rien compris. Moi non plus. C'est la rubrique à braque. Ra lovely. Il y a que moi qui peut comprendre Clara. Ah oui, donc l'auditeur non plus peut pas comprendre. Si l'auditeur il connaît Gottlieb. Voilà. Donc, le raga qu'on a choisi, on le parcourt d'abord. On l'expose dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, en petits cercles concentriques. Et puis on accélère petit à petit le rythme pour enfin terminer au moment fatidique en une explosion résonante. On étire le temps vers l'infini. Et petit à petit, une note répétée avec l'autre, on recommence sur un mode encore plus lent quand on va se joindre cette fois-ci au joueur de tabla. Et c'est alors à un dialogue amoureux sans précédent que l'on va assister. Chacun reprend la phrase de l'autre. Les questions et les réponses fusent et finalement s'enchevêtrent avec la grâce et l'harmonie de deux serpents s'enroulant autour du caducée, marquant à chacun de leurs nœuds un chakra bien précis que les ragas vont réveiller un à un. Anushka Shankar est la fille de Ravi Shankar, l'homme qui a rendu le sitar célèbre dans les années 60 parce qu'il l'enseigna à un certain George Harrison. Toute la vague psychédélique 70s est inspirée de la musique indienne et a donné à Ravi Shankar l'occasion de s'installer sur la côte ouest des USA où il fera deux filles. L'une s'appellera Nora Jones et l'autre Anushka Shankar. Il en fera sa disciple. On l'écoute dans Boat to Nowhere, un hommage à ceux qui prennent des bateaux pour nulle part. Boat to Nowhere, Anushka Shankar et le sitar indien, donc S-I-T-A-R, et non pas la sitar. La sitar grecque, non. Voilà. C'est Alex qui nous faisait remarquer ça, avec, parce que finalement... C'est notre maître capello. Il a fait des études musicales. Merci André Manoukian. Et Zoé Valdez est avec nous jusqu'à 18h. Vous serez la présidente d'honneur du Festival de la Correspondance de Grignan à partir du 5 juillet. Et on pourra vous voir aussi lors d'une rencontre littéraire le 7 juillet à 16h, Écrire l'exil. Zoé Valdez, à cette heure-ci, il y a un révolutionnaire de salon. Oui. De c'est Guillaume Meurice. Eh bien, chronique économique aujourd'hui, puisque ce qui choque le plus depuis le fameux Brexit, c'est qu'aucun économiste ne semble capable de nous dire avec précision les conséquences de cet événement. J'ai donc voulu mener ma propre enquête, et alors là, le coup de bol, lundi soir, au pied de la Tour Eiffel, il y avait un regroupement d'économistes anglais dans ce qu'on appelle la fan zone. Donc la fan zone, c'est cet endroit propice à la réflexion, à l'échange et au vomi. Au dialogue. Alors j'y suis allé pour essayer de dénouer les fils de ce coup de tonnerre géopolitique. On commence avec un premier économiste, spécialiste des questions d'impact des économies circulaires sur la crise systémique mondiale. Je voudrais, Angleterre, Euros, je voudrais, Remain. Un vœu, both. Oui, alors attendez, j'ai oublié de vous dire un truc, petite précision qui a son importance. Vous le savez, en Angleterre, les spécialités ne sont pas cloisonnées comme chez nous. Donc ils en ont plusieurs, et alors eux, ils étaient aussi experts sur la question très pointue de la fermentation du houblon. Voilà, c'était quand même important de le préciser, donc poursuivons l'analyse. Myself, me, personally, je voudrais, I would like, oui. Yes, je voudrais. I would like to vote Brexit. Je voudrais Brexit. Je voudrais Remain. Ah, ok. No Brexit. Non Brexit. Voilà, c'est très confus, vous voyez, même pour des spécialistes de ce niveau-là. Alors vous imaginez, pour des lambda comme nous, c'est normal. Ils avaient la chance d'avoir un spécialiste en langue anglaise. Et en plus, ça a facilité l'échange. Ça, je ne vous le cache pas. Alors heureusement, il y avait quand même donc lundi soir des économistes à la vie plus claire et plus tranchée. Celui-ci, qu'est-ce qu'il pense du Brexit? Fuck off. Fuck off. Yes. Just fuck off. Yes. Why? Mate, I got free drinks. I'll stop over here. I'll find drinks over here. Go away. Ok, alors go away, on comprend aisément. Il me demandait de m'éloigner, certainement pour prendre son temps et pouvoir réfléchir à la question. Ça, c'est quand même important, ça se comprend. Alors, ce qui se comprend moins, c'est qu'il avait une pinte à la main et qu'il me menaçait de me l'acheter à la gueule si je partais pas rapidement, c'est ça? No, I'm gonna throw it over here. I'm gonna throw them at you. Oh no. Yes. Go away, all these over you. Ah voilà, alors d'accord, alors ça c'est important, très important, l'euro, donc la monnaie européenne, vous l'avez compris, le sens de la métaphore des économistes anglais est épatante. C'est vrai que l'euro, c'est un enjeu majeur de la construction européenne. Nous en France, on est encore dans l'euro, les économistes anglais m'ont expliqué que c'était grâce à un économiste à nous qu'on a, qui s'appelle Dimitri Payet. Ils aiment beaucoup, beaucoup cet intellectuel, ils l'aiment vraiment beaucoup. Dimitri Payet, we got Payet. Dimitri Payet, I just don't think you understand. He's super slams, man. He's better than Zidane. We've got Dimitri Payet. C'est bon, c'est quand même beau, mais c'est quand même malheureux que ce soit les Anglais qui vantent les louanges de nos élites économiques, quoi. Qu'on soit pas capable, nous Français, de faire une chanson à la gloire d'Alain Minc. Oh la Minc, we've got Alain Minc. Vous voyez, on n'est pas capable de faire ça. En plus, l'économiste star du moment chez nous, il s'appelle François Langlais. Langlais, bordel, on pourrait lui faire une chanson. Bon, je me calme, en tout cas, l'idée est lancée. On a beaucoup à apprendre des économistes anglais. Écoutez ceci. It's so bad for the English, but I think the referee was not so good for this game. Ah, l'arbitre était pas bon. Ouais, non, pas du tout, parce qu'il y a eu plein de moments. Mais attends, t'es complètement français. Ouais, mais il y a plein de moments où il aurait dû y avoir des fautes, qu'il a pas sifflé. Ça, je reconnais, c'est la mauvaise foi française, ça. Non. Bah si, je connais bien la mauvaise foi, je suis un des spécialistes, un des garants de cette longue tradition. Alors ils parlent d'arbitre parce qu'il y avait un match effectivement d'intellectuels lundi soir, et ils avaient un match avec des économistes islandais. Je suis d'ailleurs allé les interroger pour avoir leur avis à eux sur ce Brexit. Angleterre et... Mais... What? Mais... Shit? Ah shit! Ah merde! Mais... Angleterre et... Mais... Voilà. Angleterre, c'est de la merde. Oui, voilà. Ah, donc on retrouve toute la puissance de l'analyste islandais. Hein, c'est radical. Un peuple forgé par les forces de la nature, hein, comme disait l'ambassadrice ce matin sur cette antenne. L'Islande, oui. Oui, oui, oui, l'Islande, oui. Alors en tout cas, vous l'avez compris, hein, pour tout ce qui est fraternité entre les peuples européens, c'est pas tout à fait gagné. De toute façon, l'Europe a été conçue pour la fraternité, mais entre les banques. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Du coup, concluons avec un dernier économiste qui résume bien la situation actuelle. Hey, we're shit. And we know. No, we are, shit. Yeah. No good, no good. Voilà, on fait de la merde, on fait de la merde. No good, hein, pour tout ce qui est construction européenne. On est loin de toucher au but. Oui, merci, j'apprends Laurence Bloch qui nous écrit que suite au RO, nous apprenons donc la non-reconduction de l'émission pour la saison 3 et on peut rien lui dire. Hein, vraiment, en tout cas, on sera flatté que Zoé Valdez ait accepté d'être notre dernière invitée. Merci beaucoup Zoé d'être avec nous. Avant d'aller au Festival de la Correspondance de Grignan et tiens, de publier aussi le 31 août votre prochain ouvrage qui s'appelle La Havane, mon amour, qui sera publié aux éditions Artaud. On va aborder le deuxième sujet avec vous. C'est le premier hôtel d'une grande chaîne américaine qui vient d'être inauguré à La Havane. Il marque le retour d'une multinationale, de l'oncle Sam à Cuba. Les Américains sont très impatients de visiter l'île. Écoutez-les. Mais ce doit être une ville passionnante. Ces vieilles maisons de bois, ces ruelles sordides, dans des tripots affreusement malfamés des indigènes, ces livrets dont on joue du trombone jusqu'au délire, ce doit être hallucinant, prodigieux, non, hein, quoi, hein, dites, non, hein, quoi, non. C'est absolument indescriptible de démence géniale. Le gendarme de Saint-Tropez, que vous avez reconnu, parce que je sais que De Funès est une figure tutélaire dans la famille jusqu'à Cuba. Alors, rien qu'au premier trimestre, 94 000 Américains ont visité Cuba. Et là, Havane a désormais son grand hôtel d'une grande chaîne américaine qu'on ne nommera pas, tiens, voilà. Zoé Valdez, ça nous est vendu comme un tournant historique et géopolitique. Mais finalement, pour la population... C'est pot-up, j'ai envie de dire. Ça ne change rien. En plus, cet hôtel, il va avoir, je crois, 186 chambres. Mm-hmm. Ça va donner très, très peu d'emplois. Et puis, l'employeur, c'est l'État. Donc, les gens vont gagner une misère, comme toujours. Et ce n'est pas un hôtel pour les Cubains, c'est un hôtel pour les touristes. Mm-hmm. Et le fait qu'il y ait plus de touristes, plus d'Américains, il va juste y avoir un petit peu plus... de boulot, mais précaire et Il y a eu aussi des touristes, énormément de touristes. De toute façon, oui. Européens, on n'a pas besoin des Américains. Européens, et ça, je pense que c'est ce qui. Vous savez qu'est-ce que c'est le communisme ? Ben non, parce qu'on a eu la chance de ne pas le vivre. C'est une longue pause entre le capitalisme et le capitalisme. Alors, justement, il y a aussi la France qui s'est ruée sur cette ouverture à Cuba, ouverture qui est toute relative, hein, donc dites-vous. Le fait que la France saute sur ce marché, parce qu'elle voit surtout le côté économique, la France, pays des droits de l'homme, des libertés, qui va quand même faire du commerce avec une dictature, vous, ça ne vous plaît pas beaucoup, Zoé Valdez? Ça fait très longtemps que la France fait du commerce avec Cuba et ça n'a pas changé non plus les choses. Et l'Espagne aussi, il y a pas mal de hôtels espagnols depuis très longtemps. Donc ça ne... Vous savez, on parle de l'embargo américain et il n'y a eu pas d'embargo avec le reste du monde. Mm-hmm. Et puis vous savez, vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Oui, il n'a pas d'embargo. Oui. Au Venezuela, les gens n'ont pas non plus de médicaments, ni ils n'ont plus rien. Rien. Oui, oui. Ils doivent même pour les déodorants, ils achètent un pchit de déodorant maintenant. C'est une situation terrible. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème de liberté, de tout court, de liberté d'expression et tout ça. Donc, à mon avis, les plus gros embargos, c'est justement le castro-communisme. Et heureusement, il n'est pas sur le cinéma, parce qu'il va y avoir le premier festival de cinéma d'été avec l'Institut cubain de cinéma pour lequel vous avez travaillé. Voilà, un signe sans doute un petit peu plus significatif, le fait qu'il y ait un premier festival. Mais c'est quand même, c'est dans Versailles, rive gauche, rive droite, il y a un mec de gauche qui essaye de défendre le gouvernement cubain en disant que là-bas, les gosses sont éduqués, qu'il y a des médecins, qu'il n'y a pas de misère, contrairement aux autres pays des Caraïbes. Et en tout cas, c'est impressionnant de voir l'état de culture des gens. Vous en pensez quoi de ça, Zoé Valdez? Non, je pense qu'il y a eu toujours une culture à Cuba. Et à partir de l'année 59, il y a eu une idéologisation de la culture. Il y a eu un adoctrinamiento, comme on dit en espagnol, idéologique. Et puis, il y a eu pas mal de livres qui ont été interdits à Cuba. Il y a eu des écrivains, il y a toujours des écrivains, des prix Nobel qui sont interdits à Cuba. Donc, la culture passe par la lecture. Il y a des musiciens, par exemple, Celia Cruz. Elle n'a pas pu retourner à Cuba. Il y a ceux qui choisissent de partir et ceux qui restent, ouais, c'est sûr. Et que... justement, le choix de la lecture reste une liberté extraordinaire. Oh, la transition. Et, bah oui, bah, oui, mais liberté dont je jouis chaque semaine. Oh, en oui. effet, c'est un vrai luxe. Merci Manoukian. Alors l'actualité, c'est aussi la clôture toute récente du plus grand salon de la chasse en France. Eh oui, ce salon a rassemblé 80 000 personnes. C'était en Sologne, ça a duré 3 jours et ça a fait plaisir aux 1,1 million de chasseurs français. Ouf. Ainsi qu'à Guillaume Meurice, grand chasseur dans l'âme, sous des dehors pacifistes. Méfiez-vous, Zoé Valdès. Cher Guillaume, hélas, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que la littérature vient troubler la fête. Eh oui, elle jette un pavé et ce pavé s'appelle « D'ombre et de flamme » et il est signé de Pierrick Guiteau. Zoé Valdès, est-ce que vous aimez les romans policiers ? Oui, oui, quelques-uns. Oui, oui. Alors je vous passerai celui-là. Parce que c'est aussi le monde de la chasse comme on ne l'a jamais vu. Et c'est la Sologne, très très loin des salons plutôt conviviaux. Et c'est surtout le polar de l'été. Ça commence par un flic qui tabasse un meurtrier. Mauvaise pioche, le dit flic est muté. Il s'appelle Fabrice Remongeon. Il est donc muté dans une région très précise. Je cite, une terre méphitique de marécages et d'oubli. Non, ce n'est pas Canal+, mais c'est la Sologne, terre natale de Fabrice Remongeon. Il déteste cette région, il la hait. En plus, il n'a aucune envie de courser des braconneurs, de croiser des chasseurs dans des 4x4 rutilants. Pour lui, chaque fois, ce sont des entailles au respect de la nature. Il y a pire, il y a que son père était sorcier. Eh ben oui, son père, il pouvait prédire, il pouvait punir à distance, un peu comme les sorciers de la mythologie cubaine. Et ça marchait, et les gens venaient de très très loin pour voir le papa. Seulement ça, notre Fabrice Remongeon, il veut pas en entendre parler, il déteste. Il dit que c'est du charlatanisme bouseux, quand même. Et évidemment, il va s'y retrouver quand même mêlé. C'est-à-dire que, si je récapitule, nous sommes en 2016, à l'heure des super technologies, de la super science, à l'heure du pia-pia. Et moi, je suis en train de vous dire que le livre de l'été est rempli de sorcellerie, de silence et d'irrationnel. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Eh ben voilà, c'est exactement comme la correspondance de Grignan avec le papier qui reprend en valeur dans un monde qui est peut-être un peu saturé de technologie. Et il y a mieux, c'est qu'il y a que ce polar entremêle 3 éléments, la Sologne, la chasse et donc la sorcellerie. Et ça marche alors qu'on n'a jamais mis les pieds en Sologne, qu'on n'a jamais tiré un coup de fusil et qu'on n'a jamais pratiqué la magie noire. Le sel de la littérature, il est là, mais Zoé Valdès ne me contredira pas. Vous n'y connaissez rien, ça n'est pas grave. Le talent de l'écrivain fait que vous pourrez lire sur l'Égypte ou sur la Renaissance. Vous pourrez vous battre contre un espadon, comme dans Le Vieil Homme et la Mer. Vous pourrez embrasser un duc. Vous pourrez croire au mauvais sort dans une forêt solognote. La littérature, par rapport à l'émission Vie ma vie, elle avait 10 siècles d'avance. La réalité virtuelle n'a rien inventé. La PS4 n'a rien inventé. La plus grande technologie, c'est la littérature. Ensuite... et vous me connaissez bien, chers amis, l'honnêteté me pousse à préciser que le personnage de Fabrice Remongeon y est pour beaucoup. Car c'est le spécimen sexy par excellence. Homme des bois, mais gentleman. Fou, mais sensé. Tata. Taiseux, mais explicite. En un mot, il est beau comme un paradoxe. Et à lui seul, il réhabilite le vrai de vrai bonhomme. Alors, pardon à tous les hommes qui nous écoutent et qui s'épilent et qui ont la conversation fluide, mais moi, mon cœur bat pour les Nestor Burma, pour les Edmond Dantès, pour les Flip Marlowe, pour les taiseux classieux. À la broussaille sauvage. Vous venez de me faire un clin d'œil, André Manoukian. Voilà. C'est Lancelot du Lac dans la peau de Sébastien Chabal. Il est là, l'homme idéal. Vous voyez ? Oui, Charline, ce que je veux dire. Voilà. C'est un mélange c'est de Vizorek et Manoukian. Non, justement, parce que Vizorek, s'il a encore une chose à faire, c'est parler moins, se raser moins et lire ce livre d'ombre et de flamme de Pierrick Guiteau, paru en série noire chez Gallimard. Merci Clara Dupont-Moneau pour cette recommandation pour l'été. Nous sommes toujours avec Zoé Valdès et on va aborder le troisième sujet avec vous. C'est un lieu toujours ouvert sur l'extérieur, accessible à tous, aux hommes d'affaires comme aux paumés, la gare comme une architecture de la démocratie contemporaine. C'est en tout cas ce que défend le magazine en ligne britannique Dizzy.com, relayé par le Courrier International. Mais pourquoi les enfants sont là? On devait pas tous se retrouver sur le quai? Bah oui, je croyais, mais finalement non, parce que Pierre m'a dit que les enfants lui avaient dit. Mais tous les enfants sont là? Bah oui, Seth, ils sont tous là. Papa, c'est toi qui les as, nos billets? Mais non, c'est Marianne qui les a, vos billets. Non, non, c'est moi qui les ai, je les ai tous. Merde, j'ai pas les billets. Ah non, non, non, Sophie, non, ne me dis pas que tu n'as pas les billets. Les mômes sont tous là avec leurs bagages, leur ski, tout le bazar. Bernard, ne m'agace pas, s'il te plaît, je cherche les billets. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas. C'est dingue, quoi. Alors un coup, on doit se retrouver sur le quai, un coup, on se retrouve ici. Maintenant, tu perds les billets. Mais nom de Dieu, si tu es si fort pour l'organisation, mais organise-la toi-même, cette famille. Organise-la, ce voyage. C'est facile de critiquer quand on fout rien. Maman, ils sont dans l'île de maths, les billets. Ah, fais voir. Oh, c'est génial. Merci, merci, mon trésor. Bernard, j'ai les billets. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, quel regret. Allez, on y va. La crise, scène de gare. Alors justement, au moment où la France se divise autour d'un nouvel aéroport, on va en parler avec Pablo Mira dans quelques instants, la gare, est-ce vraiment une allégorie de la démocratie? C'est-à-dire le côté ouvert sur l'extérieur, le lieu de passage, les clodos, les hommes d'affaires, les familles. Est-ce que vous avez cette vision aussi de la gare, oui, en tout cas en Europe? J'ai appris la démocratie dans une gare. C'est vrai? Racontez-nous, Zoé Valdez. Non, j'ai commencé à écouter les gens et à écrire. Et vous savez, il y a très peu de trains à Cuba, donc il y a très peu de gares. Il y a une vieille gare qui est très belle, mais qui n'est pas presque pas, utilisée. On peut toujours faire la Havane-Santiago en train. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Je pense que ça. Par contre, pour Matanzas, oui, dans le train de New Jersey, et c'est un train qui est très très vieux. Donc il y a des situations extraordinaires, très novelesques. Oui, propices à l'écriture romanesque. Oui, romanesque. Ouais. Et il y a des coqs qui sont en train de voler à côté de vous et tout ça, et de sauter par à côté de vous et tout ça. Un lieu d'observation, donc. Pour les écrivains, ouais. C'est très important. Mmh. On voit beaucoup de gens de d'autres parts du monde et on apprend beaucoup de choses. En fait, ce sont les lieux de transit. Oui, oui. C'est les lieux où les gens, subitement, leur vie est dans une valise et tout le monde est sans adresse fixe, en fait. Mm-hmm. Et voilà. Le train qui relie les gens aussi, évidemment. Et aujourd'hui, l'idée de vivre dans un pays, de travailler dans un autre et d'aller voir un match ou un concert dans un troisième ne nous semble pas aberrante aujourd'hui. C'est aussi ça, la possibilité du train, en tout cas en Europe. Oui, oui. Oui. Et c'est ça qui est formidable. Et alors, depuis qu'ils ont mis des pianos dans les gares, je trouve ça encore plus sympathique. Il y a ça. Pareil avec les baby-foot. Ça dépend de qui joue. Ça dépend de qui joue. Et enfin, il y a certaines gares aussi qui deviennent de vastes centres commerciaux. Mmh. Par exemple, à Paris, si vous allez à la gare Saint-Lazare, il y a d'abord, une haie de commerce et, voilà, avant de pouvoir prendre le train. Zoé Valdez, vous êtes avec nous. Et il y a aussi autour de cette table Pablo Mira, qui va nous parler d'un dossier compliqué. C'est le dossier du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, dimanche dernier, 55% des habitants de Loire-Atlantique se sont prononcés en faveur de sa construction lors d'un référendum. Pourtant, le projet continue à diviser, Pablo, n'est-ce pas? Tout à fait, Charline. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait plus de 50 ans que le projet pose problème. C'est simple, c'est sans doute le chantier le plus compliqué au monde, juste après le visage de Carla Bruni. Mais voilà, il y a un moment, il faut savoir respecter la démocratie. Le peuple a parlé, on a une majorité de riverains qui ont voté pour la construction de l'aéroport. Alors moi je dis très bien, construisons cet aéroport. De la même façon que si une majorité de riverains avait voté contre ce projet, j'aurais dit très bien, construisons cet aéroport. Et puis vous savez, moi je suis comme 55% des habitants de Loire-Atlantique, je vois pas en quoi ça pose problème de construire un aéroport à seulement 400 km de chez moi. Et puis ce serait bien que les opposants à Notre-Dame-des-Landes cessent de tomber systématiquement dans l'exagération. Non, cet aéroport ne va tuer personne, ce sont les terroristes qui l'attaqueront qui s'en chargeront. Les gauchistes se trompent tout simplement de combat, ils devraient comprendre que la seule zone à défendre, c'est pas le nord de Nantes, c'est les cages du Golioris face aux Islandais dimanche prochain. Alors voilà, après on a les anti-Notre-Dame-des-Landes qui disent « Oui, mais ça va encore créer des nuisances sonores, excusez-moi, mais je crois que les zadistes ont prouvé qu'ils supportaient très bien les nuisances sonores. Est-ce qu'il faut rappeler que ce sont quand même des gens qui écoutent Cinc Emilia ou Manu Chao ?» Mais moi, je vais aller plus loin. Je pense qu'il n'y aurait jamais dû y avoir d'habitants à Notre-Dame-des-Landes. Quand la ville a été fondée en 1871, les riverains auraient dû anticiper que c'était l'emplacement idéal pour un futur aéroport. Mais voilà. Depuis 50 ans, c'est le bras de fer permanent, c'est le dossier qui fait plus de polémique que la venue de Dieudonné dans une synagogue. Donc moi je vous le dis, c'est le moment de passer à autre chose. Après ce référendum, il faut évacuer la ZAD, en privilégiant évidemment le dialogue, hein, la discussion entre les deux côtés, celui de Bernard Cazeneuve et celui de Manuel Valls, évidemment. Parce que franchement, les zadistes, on n'en peut plus. On n'en peut plus. S'ils veulent perdre leur temps à boire des bières, à crier et à parler pour ne rien dire, il y a déjà des lieux pour ça. Ça s'appelle des fan zones. Le peuple a voté. Aujourd'hui, les seules personnes mal rasées qui ont leur place à Notre-Dame-des-Landes, ce sont des maçons portugais. En plus, les zadistes sont dangereux, on le sait. Et je vous rappelle que la dernière fois qu'une communauté de hippies a squatté un territoire pour défendre ses idées, ça a quand même donné le christianisme. C'est pas rien. Mais c'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est dur de se débarrasser de cette bande de gauchistes. Ils ont pas peur des CRS, ils ont pas peur du RAID, ils ont même pas peur de l'armée, je vais vous dire. Non, le seul moyen de les inquiéter, vraiment, c'est de leur envoyer Jean-Louis David. Pour conclure, Charline, je dirais que la balle, voilà, elle est désormais dans le camp du gouvernement. Et si les zadistes n'abandonnent pas leur combat inutile, j'ai bien peur qu'elles finissent entre leurs deux yeux. Voilà. Merci. Pablo Mira, vous avez, Clara Dupont-Monod, vous êtes soulagé de savoir qu'il y a, voilà, il y a un éditorialiste de droite dans cette émission. Ah, mais surtout Jean-Louis David. je m'incline. Et, on est content parce que RMC le voulait. RMC le voulait beaucoup. Et non. Éric Brunet. Voilà. Plus à droite qu'Éric Brunet, c'est incroyable. Plus à droite, c'est vrai, on l'a trouvé. Pablo Mira du Graphie. Merci Pablo. Merci. Zoé Valdés. On va donc vous retrouver au Festival de Grignan du 5 au 10 juillet où vous allez aussi être confronté du coup à l'exil des autres. C'est quelque chose un peu que vous appréhendez ou vous y allez sereinement ? Non, je suis très très proche des autres exilés. Ça m'intéresse beaucoup aussi de les différentes façons de voir son propre pays depuis l'exil et comment ça change dans l'écriture et comment ça change aussi dans le... La musique, par exemple, le cinéma et d'autres formes de culture. Donc, on vous retrouve au Festival de la Correspondance de Grignan, qui a lieu du 5 au 10 juillet, sur le thème de l'exil. Donc, on pourra vous rencontrer le jeudi 7 juillet à 16h. Et puis, je rappelle que bien, le 31 août, on pourra lire votre dernier roman, La Havane, mon amour, aux éditions Artaud. C'est Arthur qui parlera d'exil fiscal, toute correspondance. C'est très, très intéressant. Merci à tous et merci à toute l'équipe de cette émission. On se retrouve demain en public au 104. Le mot de la fin, on le laisse aux Cubains. Tu sais ce que c'est le capitalisme ? C'est enculer les gens.